L'Australie. L'Australie, c'est d'abord un état d'esprit. Savoir se libérer du monde de béton qui nous entoure pour entrer dans celui du rêve avec kangourous bariolés, lapins, plein de lapins, partout, dingos sympathiques et moutons carnassiers, c'est ça, entrer en terre d'Australie. Ou alors, on peut attendre des heures pour avoir un visa, prendre l'avion, parce qu'on n'a toujours pas appris à faire plus de 20 km à la nage, et se voir estampiller touriste alors qu'au fond de soi, on a toujours été australien. Ou lémurien, mais c'est tout comme. Car si l'Australie est une île, c'est avant tout grâce à l'abnégation des habitants de ce grand continent disparu, à leur volonté luminescente de laisser une trace sensible de leur passage sur Terre. Un petit objet n'étant pas à la mesure de nos espérances, c'est l'Australie tout entière qui nous ont laissé, de dimensions fort acceptables au demeurant, et avec elle ses gardiens, soit les Wombats, véritable empreinte de vie interstellaire du côté du tropique de l'Henry Miller.